cours numéro 20. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أخذنا في درسنا الأخير الشبهة التاسعة والعاشرة la 9e et la 10e شبهة فعندما التاسعة ما هي تفضل الشبهة التاسعة قال المشرك إنهم لا يكفرون بالدعاء الملائكة من هم إنهم المشركون نعم لا يكفرون بالدعاء لا يكفرون بالدعاء الملائكة ولكن كفروا يكفروا متى يقول الملائكة بنة الله فما هي الشبهة عند من يعني مستفيد الشرك هو الذي من الذي قال الملائكة بنة الله نعم لا بأس تفرق بين تسمية بنة الله وعبادة الدعاء الملائكة والأنبياء يقولون أن الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم من المشركين ce qui est à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام من المشركين et qui ne sont pas rentrés dans l'islam et c'était des kuffars où النبي صلى الله عليه وسلم قاتلهم il les a combattus لماذا لأنهم prétendaient أن الملائكة والأنبياء c'était les enfants d'Allah عز وجل فلهذا كفروا pas parce qu'ils les ont pris comme intermédiaires c'est ça الشبهة c'est ce mot que vous n'avez pas cité فعندهم le fait de les prendre comme intermédiaires, c'est pas du coup. Là, ben, ils demandent à Haoula et c'est des Salihoun et c'est des Aulia. Et pour eux, ça ne fait pas sortir de l'islam. Enfin, ce qui a fait sortir de l'islam les premières générations minal mushrikin à l'époque du prophète alayhi salatu wasalam, c'est cette croyance. An al malaikata banatullah wa an al anbiya wa abna'ullah. Alors, Nasara, ils ont dit « Isa, c'est le fils d'Allah, Azza wa Jal. » C'est ça leur shubha. Et, hum yaqulun, pourquoi vous dites que al-mushrikoun d'aujourd'hui, c'est des kuffars, alors qu'ils n'ont jamais prétendu « An al-awliya, c'est les enfants d'Allah, Azza wa Jal. » Mais le jawab, fadda. Le jawab, نعم الاعتقاد أن الملائكة بنات الله أو عيسى بن الله ça c'est du كفر on est tous d'accord زيد وكذلك دعاء لغير الله هو كفر نعم وكذلك دعاء غير الله سبحانه وتعالى c'est du كفر أما هم ils ont prétendu qu'ils n'ont pas fait la première catégorie de كفر de mécréants et ils ont pensé que Ils ont pensé que ça suffisait. Là, le kufr, il faut le délaisser complètement. Famin al-kufr. Parmi la mécréance, la grande mécréance, c'est le fait de croire qu'Allah il a des enfants, yadam billah. Kadhalik le fait d'invoquer autre qu'Allah. Kadhalik le fait de sacrifier pour autre qu'Allah. Kadhalik le fait de se prosterner pour autre qu'Allah. Kadhalik le fait d'insulter Allah. Kadhalik le fait de se moquer de la religion. Kadhalik le fait de ne pas croire au Coran. Kadhalik le fait de ne pas croire au prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Beaucoup de catégories de kufr. Et le musulman, il doit s'écarter de tous. Mahoum, ils ont pensé que vu qu'ils n'ont pas dit que Allah il n'a pas d'enfant, donc ils n'ont pas fait ce kufr, donc c'est des musulmans. Là, et l'autre kufr, adorer autre qu'Allah, ou alors une adoration, comme on a dit. Une adoration pour autre qu'Allah, c'est du kufr, ça fait sortir de l'islam. Fahada, al-shubhatul ashira, mahi, faddam, j'a'al al-mushrikoun, j'a'al al-awliya, وسائط بينهم وبين الله لأنه عنده منزلة عظيم عند الله نعم وهذا تقدم معنا كثيرا أي أن الأولياء ذو منزلة عظيمة عند الله يكون استفرسي لسيت ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهم يقولون أنهم دمض هؤلاء que Allah il aime wa hala taqaddam anna al muwahhid al mu'min al muslim il a cette croyance anna al awliya Allah il les aime C'est pour ça que c'est des awliya. Lakin, est-ce qu'on doit les adorer, leur demander min dounillah? Ça, c'est du kufr. Allah subhanahu wa ta'ala, il aime Isa ibn Maryam, alayhi salat wa salam. C'est un nabi, c'est un rasoul. Malgré cela, les chrétiens, c'est des kuffars. Parce qu'ils adorent Isa. Ou ils prétendent que c'est le fils d'Allah. Même si Allah il aime une créature, on n'a pas le droit de l'adorer. Mahaoula, ils ont pensé que vu que c'était des awliya, ben, c'était permis de leur demander à Ibn Bab, à Shafa'a, à comme intermédiaire بينهم وبين الله. قال رحمه الله الشبهة الحادية عشرة. فأنزم شبهة. قال رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء. هذا تقدم معنا. Et en fait, c'est la quatrième règle de la célèbre Risala al-Qawaid al-Arba', les quatre bases. Walillahi alhamd, on l'a étudié ensemble. Et Cheikh al-Islam, il a recité ce point ici dans Kashf al-Shubuhat. Anna al-Mushrikina al-Awwalin, leur égarement il était moins grave. Limadha li'annahum kanu yushrikuna fi al-Rakha wa yukhlisuna fi al-Shiddah. Dans les moments difficiles, ils ne faisaient pas de shirk. Amma mushriku zamanina fa shirkuhum da'im. Aïe toujours. Fi raha wa fi shidda. Dans l'aisance, dans la difficulté, ils font du shirk da'iman ayyadam billah. Qala fa'lam anna li ha'ula shubhatan yuridunaha ala ma dhakarna wa hiya min a'zam shubahihim. Tout ce qu'on a vu auparavant, les shubah, les 10 premières shubah, elles reviennent beaucoup aux trois premières. Et la principale choubha qu'ils ont, annahum, ils demandent à ces personnes, les ma'ala, les annahum, c'est des awliya. Et vu qu'eux, ils ont des dhunoub ila akhire, ils demandent à ce wali pour que ce wali demande à Allah Azza wa Jal. Les ma'ala, les annallah Azza wa Jal, il aime haoula, il répond à leur demande. Annahum, ils ont des dhunoub, ils ont des péchés, ils ont des faiblesses. Ils préfèrent passer par cet intermédiaire pour que leur demande elle soit exaucée. Ça, c'est la principale chouba. C'est-à-dire qu'ils ont différencié entre ibadatu al-asnam ou ibadatu al-awliya. Ils disent on n'adore pas des statues. C'est-à-dire qu'ils disent on les adore pas. On les adore pas. C'est un intermédiaire faqat. Les 10 choubas se résument à hada. Huna, la 11e. C'est من أكبر شبههم. قال وهي من أعظم شبههم. لماذا؟ لأنهم tout ce qui a été cité précédemment comme شبهة, ils vont répondre par هذا. قال فأصغي سمعك لجوابها. أي, tu dois bien être attentif. لماذا؟ C'est la plus grande شبهة qu'ils ont. Après leur شبهة sur الأولياء. وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن أي المشركون على époque du prophète صلى الله عليه وسلم tous les versets qu'on a vu أنهم سيدي كفار أنهم سيدي مشركون سبحانه وتعالى عما يشركون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار أي c'était des menteurs des كفار et des مشركون هؤلاء ceux de notre époque qu'est-ce qu'ils disent إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك أي يقولون أن الأولين ils ont pas voulu prononcer الشهادة ils ont pas voulu croire que محمد صلى الله عليه وسلم c'est le messager d'Allah عز وجل كذلك ils ont pas voulu croire que le Coran c'est la parole d'Allah عز وجل بل ils ont dit c'est de la sorcellerie ils ont dit que c'est le prophète محمد صلى الله عليه وسلم qui l'a écrit c'est un mensonge il a akhiré كذلك Ils ont rejeté et ils n'ont pas cru en la résurrection. Tout ça, c'est haq. فهم ils ont dit comment vous dites qu'on est pire que ou comme les mouchriquins dans notre époque annahum ils font salat annahum ils font siyam ils font le hajj ils prononcent le shahada shahada ils disent que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam c'est un rasoul ils disent que le Coran c'est kalamullah il a akhiré comment vous dites annahum on est pire que haoula ou on est comme haoula des mouchriquins et on n'est pas des musulmans قال فالجواب أن لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء فإنه كافر لم يدخل في الإسلام إجماع العلماء على ذلك l'unanimité des savants تعلمون أن الإجماع سين بخاف سين حجة سين دليل عند المحققين من أهل العلم عند أهل السنة سين دليل الإجماع l'unanimité. Enfin, ils sont tous d'accord, les savants, Allah, celui qui accepte une partie du message du prophète alayhi salatu wa sallam et il rejette une partie, c'est un kafir. Bal, as-salaf, ils étaient unanimes, Allah, celui qui rejette, qui ne croit pas en une lettre du Coran, harfun wahid, c'est pas un musulman. Limada, li annahu takdhibun, lima ja'a min indillahi azza wa jal. Et takdhib, c'est du kufr. Pourquoi c'est un mu'min, c'est un croyant? Il doit croire en tout ce qui a été révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui rejette un harf du Coran, ayyadam billah, madalan wahid, il dit ce harf dans cette surah, ça ne fait pas partie du Coran, ce n'est pas min kalamillah. Et il ne croit pas. Enfin, yakfur, même s'il fait salat, même s'il fait siyam, même s'il fait le hajj, il a akhir. Et le haqiqa hadith, c'est une shubha kabira. Beaucoup de gens, ils ont du mal à la comprendre. C'est pour ça qu'à cause de cette choubra, ils ne comprennent pas pourquoi. Al-A'imma, Al-Kibar, ils font sortir, ils ont fait sortir de l'islam Rafida. Akhzahumullah. Ils ont cette choubra. Ils disent qu'ils font salat. Ils font le hajj, on les voit au hajj ma'ala. Et ils prononcent le shahada. Il a akhiré. Ils disent qu'ils taqouloun, ce n'est pas des musulmans. Ils ont cette choubra. Ils n'ont pas compris أن دين الإسلام المؤمن ونسأل الله العافية أنه peut sortir de ce دين بناقض من نواقض الإسلام avec un annulatif même s'il applique le reste. فمثلا celui qui insulte Allah سبحانه وتعالى c'est un kafir بالإجماع même s'il fait الصلاة même s'il fait الصيام même s'il a un bon comportement même s'il va au hajj tous les ans لكن il insulte Allah une fois il sort de l'islam. Il est obligé de faire tawba pour re-rentrer dans l'islam. Et ne plus jamais faire hada. Hada al-fi'l, ayyadam billah. Hakada, celui qui se moque. Et Cheikh al-Islam, il va citer beaucoup de preuves pour montrer anna ha'oula, ils n'ont pas compris dîner l'islam. Hala shakana kuffar Quraysh, ceux qui ne sont pas rentrés dans l'islam, annahum kanu la yu'minuna bil-Qur'an wa bil-ba'th wa bi-nabiyina Muhammad alayhi sallallahu alayhi sallam, il a appelé, c'était des kuffar. On est tous d'accord. Mais est-ce que ça veut dire que celui qui fait un kufr, qui ne fait pas le kufr qu'il faisait eux, ça reste un musulman? Il n'a pas fait comme kuffar Quraysh. N'a'oudou billah. À ce compte-là, al-Rafida, al-Zanadiqa, al-Qaramita, al-Batiniya, al-Jami'a, al-Mulhidin, ils vont dire, nous, on n'est pas, maintenant, si on donne un exemple, on n'est pas à l'aqidat al-Yahoud. Là, ils ont une autre croyance kufriya. Est-ce que ça veut dire que pour être kafir, il faut soit être comme les juifs, soit être comme les chrétiens, soit être comme kuffar Quraysh? Celui qui a un autre kufr, il ne sort pas de l'islam. Là, ce n'est pas comme ça de dire. Et min al-kufr, c'est al-takdhib. Min anwa' al-kufr, kufr al-takdhib. Celui qui rejette. Celui qui rejette une chose, min dit l'islam, qui est clair. Il y a kufr. Maintenant, le wahid, il dit, l'alcool, ce n'est pas haram. Il fait salat, il vient au masjid, il fait le hajj, il fait le siyam, il ne boit pas d'alcool. Mais il dit, mon avis, c'est que ce n'est pas haram. Il sort de l'islam. Les versets sont clairs. Et toute la umma, n'importe quel musulman, tu lui demandes, même ceux qui boivent de l'alcool, ils te diront, c'est haram l'alcool. Mais ils ont des faiblesses, il a arrêté, mais ils admettent. Celui qui prétend que c'est halal, même s'il ne boit pas, ce n'est pas un musulman. Pourtant, il ne dit pas que Isa, c'est le fils d'Allah. Il croit en la résurrection, il croit au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il croit au Coran. Lakin, le verset fil khamr, il le rejette. Fil haqiqa, limada li'annahu, il dit que c'est halal. Alors qu'Allah, il a interdit clairement l'alcool. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, kadhalik. هذا يسوق الإسلام. هذا سين رجل très important. هكذا في البدعة. بعض الناس يقولون pourquoi vous dites que un tel c'est un مبتدئ. Il dit c'est pas un rafidi, c'est pas un soufi, c'est pas un mu'tazili, c'est pas un jahmi, c'est pas un khariki, c'est pas un qadari. Ils ont pris au sol le bid'a, et vu que lui il fait pas partie d'un de ces groupes, forcément c'est pas un mu'tazili. C'est pas comme ça là, c'est khalif sunnah. Il a été conseillé, il veut pas revenir. Et il invente des choses fi dinillah, min babi ta'abud. Et khalif des au sol, ou un asl min au sol et ahl sunnah. Enfin, les ulama, ils disent que c'est un moubtadi'a, même s'il fait pas partie d'un de ces groupes. Enfin, ils disent que c'est un moubharif, c'est un moubtadi'a. Ah, ça, c'est très très important. Lakin, le mouchkil al-an, c'est l'ignorance. Kathirun min al-nas, ils connaissent pas au soul hadd-din qu'on a vu ensemble, fil wajibat, wa fi kitab al-tawhid. Hadd-din, il est fondé sur le tawhid. Et ce tawhid, il a des annulatifs qu'on a étudié ensemble, wa lillahi l'hamd. Puis la marque de l'islam, les annulatifs de l'islam. Bah, celui qui fait un de ces annulatifs, il sort de l'islam. Pour revenir à Haoula. Et c'est ça la réponse. Qala. Bah, le jawab. Anna la khila bayna al-ulama kullihim anna al-rajul idha saddaqa Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam fi shay wa kadabahu fi shay bah innahu kafir lam yadkhul fi l'islam. Wa kadalika idha amana bi ba'd al-Qur'an wa jahada ba'dah kaman aqarra bi tawhid wa jahada wujub al-salah. Mathalan, celui qui il dit shahada, il ne fait pas de shirk. Il ne demande pas aux morts, il ne demande pas à une idole quelconque là. Lakin, il dit, as-salat, ce n'est pas obligatoire. C'est un kafir billah, bil-ijma'. Ne pas confondre avec la mas'ala, celui qui ne fait pas salat, malgré qu'il reconnaît l'obligation. Ça, c'est un sujet où il y a divergence. Lakin, si il dit, anna la salat, elle n'est pas obligatoire, il sort de l'islam. Même s'il fait salat. Même s'il fait salat. Al-Haqira, ce cas, tu ne le trouveras pas. Lakin, si on qadra al-Nawahid, il dit la salat, ce n'est pas obligatoire. Lakin, il fait salat comme ça. Pour lui, c'est comme une nafila. C'est recommandé, c'est mieux de le faire. Il sort de l'islam. Limada. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré l'importance de salat et qu'elle est obligatoire. Et que c'est un pilier parmi les piliers de l'islam. Et chaque musulman, il connaît ça. Al-Nahu, c'est obligatoire. Celui qui est khalif, ce n'est plus un musulman. Qala. أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم وأقر بها أو أقر بهذا كله وجحد الحج. Ici, il rejette un des piliers de l'islam. لماذا؟ لأن ces piliers de l'islam ils sont connus عند الجميع. Celui qui prétend que ça fait pas partie du dîn ou c'est pas obligatoire ou ce n'est pas vrai, c'est plus un musulman. لماذا؟ لأنه يكذب القرآن يكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. Allah سبحانه وتعالى في الكتاب beaucoup de versets, il leur donne de faire salat, ou al-hajj, ou al-siyam, il a akhir. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a démontré l'importance et que c'est obligatoire. Wahid, il vient, il dit là, c'est pas obligatoire. Al-haqiqa, il dément ma ja'a fil Qur'an wa sunnah, il sort de l'islam. Qala, wa lamma lam yanqad unasun fi zaman Nabi sallallahu alayhi wa sallam lil-hajj, anzalallahu fi haqqihim wa lillahi ala al-nas, hijjul bayti man istata'a ilayhi sabila. ومن كفر فإن الله غني عن العالمين فمن أنكر وجوب الحج فهو كافر ومن كفر فإن الله غني عن العالمين أما celui qui fait pas le hajj alors qu'il a la capacité et il a la conviction c'est obligatoire لكن il le délaisse par paresse ou autre على الصحيح ça reste un مسلم لكن il commet un très très grave péché لم يثبت في هذا شيء أي قوله رحمه الله ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم يدي أحاديث في هذا ضعيفة أن الرسول descendu sur ce groupe de personnes qui n'ont pas accepté الحج ونعم أحسن ما في الباب مرسل عكرمة رحمه الله وتعلمون أن المرسل من قسم الضعيف il y a une coupure dans le sanad. Et tout ça, c'est cité dans le tahqiq. Ala kulli hal, nahnu ce qui nous intéresse huna, anna celui qui rejette l'obligation du hajj, c'est un kafir, même s'il applique tout le reste. Qala wa man aqarra bi hadha kullihi wa jahada al-ba'th kafara bil ijma'. Al-ba'th, c'est la résurrection. Wa halla damuhu wa maluhu kama qala ta'ala إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. Verset, il est clair, celui qui croit une partie et qui rejette une partie, Allah subhanahu wa ta'ala قال أولئك هم الكافرون حقا. C'est eux les véritables kuffars, c'est هؤلاء. Ça nous montre. C'est pas comme ce que certains pensent. أن الكافر forcément il doit rejeter tout din. فلهذا on répète, البعض ils ont pas compris كفر الرافضة. Ils disent ils font hajj, ils font salat, ils ont des prénoms musulmans. Ils aiment Ali رضي الله عنه, ils aiment la famille du prophète صلى الله عليه وسلم, ils lisent le Coran il a akhiri. لكن ils accusent Aïcha de zina, du kufr. لماذا لأن الله عز وجل il l'a innocenté في القرآن فلا يؤمنون بهذه الآية. في الحقيقة ils ne croient pas en ce verset. لهذا ils accusent Aïcha. كذلك ils disent أن القرآن il a été falsifié, أنهم ils ont un autre Coran, c'est du kufr. كذلك ils accusent الخلفاء رضي الله عنهم وكثير من الصحابة, c'est du kufr. كذلك ils détestent et ils accusent Jibril عليه الصلاة والسلام, c'est du kufr. كذلك ils invoquent les morts, c'est du kufr. Est-ce que leur hajj, leur salat, leur prénom musulman, il est utile? أبدا. Pour celui qui connaît le dîn. فلهذا أجمع العلماء أن الرافضة الإسماعيلية c'est des zanadiqa. Les الروافض qui est à notre époque الآن, que ce soit en Iran ou autre. هؤلاء des kuffar بالإجماع. قال فإذا كان قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض تقدمت معنى الآية ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. تقدم معنى أن السلف يقولون أن celui qui rejette un حرف يصح de l'islam, فما بالك celui qui rejette un حكم, ما بالك celui qui rejette une شعيرة من شعائر الله, ما بالك celui qui rejette un ركن من أركان الإسلام, ما بالك celui qui n'accepte pas tous les versets qui ordonne d'adorer Allah seul. Qala fahuwa al-kafiru haqqan zalat hadhihi ash-shubha wa hadhihi hiya allati dhakaraha ba'd ahli al-ahsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilayna. Ay cette shubha à l'époque de Cheikh al-Islam elle était répandue, wa minhum certains qui habitaient à al-ahsa. Al-ahsa c'est une ville connue fi al-mamlaka al-arabiyya al-sa'udiyya. Et à l'époque de Al-Mu'allif Muhammad ibn Abdul Wahhab, certains qui habitaient dans cette ville, ils combattaient al-Tawhid. Alihada Cheikh al-Islam, il leur a répondu bihada al-Kitab ou bighayri. On peut citer une fa'ida huna min qawl al-Mu'arrikh al-Sheikh Abdullah al-Bassam, rahimahullah, kama fi ulama Najd. Il a cité anna min ha'ula ibn Fayrouz. قال وهو الذي بعث الشبه التي رد عليها الشيخ في كشف الشبهات. Ça c'est une faïda. أن parmi ceux qui ont propagé ces شبه que الشيخ رحمه الله il a répondu dans كشف الشبهات, ابن فيروز il habitait à الأحساء أي في نجد. قال ويقال أيضا إذا كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة فهو كافر حلال الدم والمال بالإجماع, وكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث, وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان وصدق بالباقي فهنا لا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا. نعم أن il faut croire en tout din, pas prendre une partie et rejeter le reste. Et c'est encore plus grave celui qui rejette des points importants في التوحيد. قال فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج, فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. Celui qui rejette الصلاة أي l'obligation de الصلاة أو l'obligation du حج أو de صيام رمضان أو de la zaka, هذا c'est un kafir بالإجماع. L'unanimité des savants, les quatre écoles et autres. Enfin, que dire de celui, عياذ بالله, qui rejette des points importants في التوحيد, des points qui concernent la shahada, أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر. سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. صحيح. أي سي يخجد التوحيد أي pour lui le fait d'invoquer les morts là c'est pas du shirk. ففي الحقيقة contredit les versets du Coran الكريم. Son fi'l s'il invoque autre qu'Allah c'est du kufr c'est du shirk. Et cette croyance c'est du kufr. Est-ce que هذا on va dire là c'est pas grave. بل عند هؤلاء الضلال أي القبوريين من صوفية ورافضة سمن أفضل القربات صافي بارتي دي ميور زادوراسيون عندهم هذا الشرك alors que c'est du kufr بالإجماع. قال العلامة محمد بن عبد العزيز بن مانع رحمه الله هنا إلى دي تعليقات على كشف الشبهات après avoir نعم après ce كلام qu'on vient de lire de l'auteur رحمه الله de شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. قال أقول إذا ظهر السبب بطل العجب. نعم قول شيخ الإسلام سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. It's étonnant cette ignorance qu'ils ont atteint. شيخ محمد رحمه الله ابن عبد العزيز بن مانع قال إذا ظهر السبب بطل العجب. That's a proverb connu en arabe. إذا ظهر السبب بطل العجب. Et si tu connais la cause, il n'y aura plus de ajab, tu ne seras plus étonné. قال فالمشركون عباد الأموات يعتقدوا أن الصرف مخ العبادة لغير الله ليس بالشرك أي الدعاء. Ils ont cette conviction أن invoquer autre qu'Allah c'est pas du shirk. وإنما الشرك هو السجود للأصنام. Pour eux الشرك c'est quoi? كما تقدم c'est prosterner devant les statues أو adorer une statue. وأما الدعاء والذبح والنذر والاستغاثة بغير الله فهو مما يقربهم إلى الله. C'est ce qu'on vient de citer. Amma, demander aux morts, adorer les morts, invoquer les morts, pour eux, ça fait partie des plus grandes adorations. Fallait nada, ils font plus que cela. Wallahi ba'dhum, ils font pas le hajj. Et ils font des milliers de kilomètres pour visiter des tombes de soi-disant wali et faire du shirk. Et pour eux, c'est afdal. Et c'est mieux que ziyarat baytillahi azza wa jal. Makkah al-mukarram, al-ka'ba. Hakada shirk. Ça égare, ayyadan billah, al-qulub ou al-uqul. قال فهو مما يقربهم الى الله وقد صرحوا بذلك في كتبهم مع ذلك فقد سجدوا لغير الله. Et dans leur kutub, tu trouves هذا. اما العوام مساكين, ils connaissent pas tout cela. اما كتب القوم, que ce soit الصوفية ou الرافضة, مشايخهم, أئمتهم, ils ont كلام très très grave qu'on essaiera de lire ensemble. والله بعضهم يفضل الزيارات الشركية. Le fait de voyager pour faire du shirk en adorant les morts et les tombes, pour eux c'est préférable que le hajj ou l'umrah. Qala ma'a dhalik faqad sajadu li ghayrillah. Même s'ils prétendent annahum ils font pas de sujoud, ils demandent que des intermédiaires, wallahi anna kathiran min ha'ula yasjudun, ils font sujoud devant le wali, devant sa tombe ila akhir. قال يعرف ذلك من درس أحوالهم وشاهد كفرهم عند ضرائح أوثانهم. Et celui qui connaît هؤلاء, qui a étudié leurs livres, et ربما qui les connaît et qui les a vus عند الضريح, أي vers leur mausolée, فربما il les a vus. Il a vu هذا المشهد الشركي, أي أنهم ils se prosternent. Et c'est répandu là avec internet, les réseaux sociaux. C'est beaucoup répandu هذا. Et des témoignages là akhiri أن هؤلاء ils se prosternent devant les morts. Que ça soit الشيعة الرافضة أو الصوفية. قال رحمه الله ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله. Après avoir démontré le premier ordre, on les récapitule, même s'ils n'ont pas fait le kufr, que kufar Quraysh ils ont fait à l'époque, de ne pas prononcer le shahada, de ne pas croire au Coran, etc., ils ont quand même fait du kufr, invoqué autre qu'Allah, et ça suffit pour sortir de l'islam. Donc ce n'est pas une condition de faire toutes les mécréances pour sortir de l'islam. Là. Ça c'est la première réponse. La deuxième réponse, il va citer des exemples. Pour montrer à certaines personnes, on a des preuves, ils ont prononcé, ils ont dit la ilaha illallah. Ils sont sortis de l'islam. Qala, هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي نعم donc هؤلاء ils prononçaient الشهادة et ils sont entrés في الإسلام à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم لكن الصحابة رضي الله عنهم ils ont combattu après la mort du prophète عليه الصلاة والسلام لماذا لأنهم ils ont prétendu أن مسيلمة Al-Kadhab, c'était un ami. Donc ça, c'est une preuve, Anna, le fait de dire « La ilaha illallah », témoigner, dire « Shahada » et l'annuler, c'est d'aucune utilité. Lakin, hum, ils vont dire, lakin, hum, ils ont prétendu « Anna Musaylama », c'était un ami. « Amma nahnu » Hakada yaqulun, ils disent « Nous, on dit que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui le prophète, il n'y a pas d'autre prophète. « Qulna hadha huwa al-matlub » المؤلف رحمه الله قال هذا هو المطلوب. Il dit c'est ça qu'on veut entendre de vous. لماذا لأنهم il va leur montrer d'autres points. قال إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى رتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون هذا ظهر قوي أي سي هم يزو أكسبتي أن بني أن نعم بني حنيفة ils sont sortis de l'islam لماذا لأنهم ils ont prétendu أن مسيلمة c'était un prophète alors que c'était un menteur فالمؤلف رحمه الله يقول Que dire de ceux qui ont élevé des êtres humains comme Shamsan ou Yusuf? Ça, c'était des awliya qui étaient adorés à l'époque de Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Qala ou sahabiyan ou nabiyan, moi, un être humain, il l'élève, iyadan billah, au rang de al-Rububiyya. Et il y'taqid fihi annahu, il peut l'aider, il peut le guérir, il a akhri. Est-ce que c'est plus grave? Là, je sais que c'est plus grave. Hum, ils ont élevé Musaylama au niveau de Nubuwa et Haoula, ils ont élevé des êtres humains au niveau de Rububiyya. Ils ont prétendu à Yadam Billah, non, ils pouvaient être adorés. Là, chacun a, au minimum, tu vas dire que c'est la même chose et la haqiqa, c'est plus grave. Dans les deux cas, c'est du kufr. Wa yuqal aydan, on peut répondre kadalik. Alladhina harraqahum Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu bin nar. كلهم يدعون الإسلام وهم من أصحاب علي رضي الله عنه وتعلموا العلم من الصحابة ولكن اعتقدوا في علي مثل الاعتقاد في يوسف وشمسان وأمثالهما فكيف أجمع الصحابة على قتلهم وكفرهم à l'époque de علي رضي الله عنه un قوم ils ont exagéré sur lui et en fait c'était le début du groupe الروافض الشيعة ce qui traduisent par les chiites Alors, à l'époque de Ali, il était encore vivant, ils ont commencé à exagérer. Hatta al-Ba'd, ils ont prétendu que c'était lui Al-Ilah. C'était lui Allah, Azza wa Jal. Na'oudou billah, min al-kufr. Ali, radiyallahu anhu, il les a combattus. Bel, il les a brûlés vifs. Qatalahum. Ahraqahum bin nar. Et tout le monde à l'époque, ils étaient tous d'accord, Allahum, c'était des kafara. Ils étaient tous d'accord qu'il fallait les tuer. Lakin. الصحيح أن لفت دلي بغلي بالنار سخلاف الصواب كما بين ابن عباس رضي الله عنه c'est pour ça que ابن عباس قال لو كان أنا ça serait moi je les aurais pas brûlés بالنار il les aurait abattus لكن pas brûlés avec le لماذا لأن جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار personne n'a le droit de châtier avec le feu sauf Allah عز وجل والعلماء يقولون لعل أن عليا رضي الله عنه ما بلغه الحديث نعم يديس que le hadith علي le connaissait pas وإلا فإن لغ جامع خالف pour هؤلاء الكفر قال أتظنون أن الصحابة يكفرون المسلمين تظنون أن الاعتقاد في تاج وأمثاله لا يضر تاج كذلك il était adoré un salih min as-salihin, ou ils prétendaient que c'était un salih. Wa illa fa Allahu a'lam bihalih. Wa li'tiqadu fi Ali ibn Abi Talib yukaffir. Sahih, lian al-ba'd disent tukaffiruna al-muslimin. Fa que dire de as-sahaba radiyallahu anhum? Anhum, ils ont combattu Bani Hanifa, ils ont combattu ceux qui ont exagéré sur Ali. Ça nous montre an al-hujja c'est fi kitab Allah wa sunnati rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Amma les accusations sans délai, tout le monde peut le faire. Haqiqa, c'est de la faiblesse. Lakin al-ilm, celui qui prétend une chose, il faut un délit. Ha'oula, ils ont combattu ha'oula bihaq, ils les ont fait sortir de l'islam bihaq. Et nos savants, que ce soit l'auteur, Muhammad ibn Abd al-Wahhab, ou ses élèves, ou ceux qui étaient avant lui, ils ont fait sortir de l'islam al-mushriku, min al-ra'vida ou autre bihaq, en s'appuyant sur des preuves. قال ويقال أيضا بنو عبي القداح الذين ملكوا المغرب ومصر في زمان بني العباس كلهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويدعون الإسلام ويصلون الجمعة والجماعة فلما أظهروا مخالفة الشريعة في أشياء دون ما نحن فيه أجمع العلماء على كفرهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب وغزاهم المسلمين حتى استفادوا حتى استنقذوا من ما بأيديهم من بلدان المسلمين. Vous vous rappelez de Ha'oula Ben Ubayd Al-Qaddah? C'est ceux qui ont inventé Al-Mawlid. Ils avaient envahi l'Égypte et tout le Maghreb. Et ils avaient une dawla, ils avaient un état. Et c'est eux qui ont inventé Al-Mawlid Al-Nabawi. Et qui ont inventé beaucoup de bid'a. Et ils ont exagéré fil awliya et ils ont fait du shirk. Falihada al-ulama kaffarouhum et ils les ont combattus walillahi alhamd. Hatta ils ont réussi à reprendre l'Égypte et tout le Maghreb walillahi alhamd, ils sont redevenus taht umara muslimin. Fahaoula ils prononçaient al-shahada. Malgré cela ils avaient du kufr. Batiniya, kathir minhum c'était de batiniya et c'était de rawafid et ils adoraient ahl al-bayt. Falulama kaffarouhum. قال ويقال أيضا إذا كان الأولون لم يكفروا إلا أنهم جمعوا بين الشرك وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن وإنكار البعث وغير ذلك فما معنى الباب الذي ذكره العلماء في كل مذهب باب حكم المرتد وهو المسلم يكفر بعد إسلامه ثم ذكروا أنواعا كثيرة كل نوع منها يكفر ويحل دم الرجل وماله. حقيقة هذا c'est pour celui qui a du علم أو un minimum de علم. المشكلة نحن في une époque أن كثيرا من الناس se sont écartés du علم فلا يعلمون هذا. وإلا كما قال الشيخ que dire de ce chapitre باب حكم المرتد dans chaque livre de fiqh dans tous les madhahib que ce soit المذهب الحنبلي أو المالكي أو مذهب الإمام الشافعي أو الإمام أبي حنيفة تتخوف هذا الباب. Donc ça montre que المسلم peut sortir de l'islam عيدا بالله si il annule son islam. فلهذا ils ont cité plusieurs points. الحقيقة باب حكم المرتد tu peux كذلك dire باب نواقض الإسلام, c'est la même chose. Et ils ont cité beaucoup. Cheikh l'islam n'en a cité que 10 et c'est les plus connus. Les ulama ils sont unanimes sur ces 10. Wa illa ba'd al-a'imma ils en ont cité des centaines. Al-Hanafiya mathalan tawassa'u ils en ont cité des centaines. Qala hatta annahum dhakaru ashiya yasira 'inda man fa'alaha mithl kalimatin yadhkuruha bi lisanihi duna qalbihi aw yadhkuruha 'ala wajh al-mazh wal-la'b. Hatta des choses ربما pour ha'ula c'est pas grave. En fait c'est du kufr. Une parole. Peut-être que cette parole, elle n'est même pas dite sérieusement. Elle est pour plaisanter, et ça fait sortir de l'islam. C'est pour ça que ces savants, ils ont cité Hala dans Kutub al-Fiqh. Enfin, que dire celui qui invoque autre qu'Allah, qui espère de ce mort la guider ou la guérison. Hala la shak annahu, c'est du kufr bil ijma'. Wa yuqal aydan alladhina qala Allah fihim yahlifuna billah ma qalu wa laqad qalu kalimat al-kufr wa kafaru ba'da islamihim ama sami'ta Allah kafarahum bi kalimatin ma'a kawnihim fi zaman rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa yujahiduna ma'a ويصلون ويزكون ويحجون ويوحدون وكذلك الذين قال الله فيهم ولئن سألتهم ليقولون ولئن سألتهم ليقولون إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة لأنهم كانوا مجرمين وهذا تقدم معنا في كتاب التوحيد فقال فهؤلاء الذين صرح الله أنهم كفروا بعد إيمانهم وهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك قالوا كلمة ذكروا أنهم قالوها على وجه المسح وغابلي في كتاب التوحيد on avait cité la cause سبب النزول de ce verset avec le hadith أن un homme il s'est moqué du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. Et ce verset il est descendu pour montrer que c'était un kafir. La ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. بعض العلماء قالوا c'était un munafiq, c'était pas un muslim aslan. Et بعض العلماء قالوا c'est un muslim et il est sorti de l'islam. Ala kulli hal, cette kalima qu'on dit que ça soit un muslim même là, même si ça serait un muslim, ça le fait sortir de l'islam. Ala kulli hal. Une kalima. قال فتأمل هذه الشبهة وهي قولهم تكفرون من المسلمين ناسا يشهدون أن لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ثم تأمل جوابها فإنه من أنفع ما في هذه الأوراق شيخ الإسلام لوتر lui-même dit que cette réponse à cette chouba c'est une des parties les plus profitables de ce livre. لماذا لأن c'est leur principale chouba bien sûr avec tout ce qu'on a vu sur l'Awliya. نكتفي بهذا القدر ونبص الدرس المبارك والحمد لله رب العالمين.